à ceux qui aiment les femmes, qui aiment les hommes, qui prennent le train. Assis au coin de la voiture 18, pictogramme siège 70, tout s'est passé si vite. Je croise ton regard et reçois ton visage. Tes pupilles opalines seront mon paysage. Je ne sais qui tu es et vers qui tu t'en vas. Je sais que tu me plais, on ne se connaît pas. Les arbres qui défilent ne m'intéressent plus. De toi je guette un signe, simple sourire ému. Assis dans le corail entre Bordeaux et Lyon, j'imagine une vie, rêve des situations. Je la dévore des yeux, l'épie avec discrétion. Saurais-je un jour peut-être passer à l'action? Le sourire aux lèvres, je passe mon voyage. Les yeux rivés dans la vitre du porte-bagages. Je me vois à ton bras partir aux quatre vents. Nos deux visages éblouis que caresse le vent. Mince, elle téléphone, aurait-elle un amant? Ou alors appelle-t-elle simplement ses parents? A-t-elle beaucoup d'amis? A-t-elle des rêves plein la tête? Serait-ce une étudiante, une artiste, une athlète? Assis dans le corail entre Bordeaux et Lyon, j'imagine une vie, rêve des situations. Je la dévore des yeux, l'épie avec discrétion. Saurais-je un jour peut-être passer à l'action? Mais comme à l'habitude, je n'ouvrirai pas ma gueule. Je garderai mes grandes phrases pour moi tout seul. Et puis merde, c'est la gare et son quai en béton. Voilà, tout est fini, je suis arrivé à Lyon. Assis dans le corail entre désir et passion. J'imaginais une vie, rêvais des situations. Tu n'es plus qu'un souvenir, frisson, une émotion. C'était sans doute bien mieux que de passer à l'action. Assis dans le corail entre désir et passion. J'imaginais une vie, rêvais des situations. Tu n'es plus qu'un souvenir, frisson, une émotion. C'était sans doute bien mieux que de passer à l'action.